sur la traduction et l'art visuel. Du coup, on s'était demandé dans Écho Lointain, quel était le lien entre les calligraphies et vos poèmes? Est-ce qu'en fait, elles ont simplement un rôle esthétique ou si elles apportent un sens complémentaire à vos textes? Alors, il y a toute une histoire avec ces calligraphies, c'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à établir un lien entre le poème et la calligraphie de ces textes-là, puisque j'ai laissé le choix au calligraphe lui-même, je lui ai soumis les textes. Je ne suis pas intervenu là du tout. Je lui ai laissé le choix d'être guidé par les poèmes et de faire des calligraphies à partir de là, en fonction de la sensation, des émotions que les textes pouvaient provoquer en lui. Donc c'est pour cela que je n'ai pas cherché à établir un lien, même si quand je regarde, je vois que le calligraphe parfois a pris un titre, par exemple, du poème qu'il a calligraphié, comme par exemple le chat de l'aiguille, par exemple. Je pense qu'il y a un texte qui porte, oui, voilà. Mais il le met pas. Avec le poème, on le trouve un peu plus loin. Donc ça aussi, je ne suis pas intervenu là-dedans. Donc c'est lui qui a choisi, qui a fait le choix de. Mais peut-être qu'il faudrait lui poser la question puisqu'il sera là tout à l'heure. C'est vous qui allez l'interviewer, je pense, non? Non, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il pourra vous répondre. Hein. Mais moi, je n'ai pas cherché à savoir quel est le lien entre ça. Si ce n'est que il y a pas mal de calligraphie ici inspirée des poèmes, même, et puis avec le privilège de la calligraphie arabe dedans, puisque les poèmes sont à l'origine, ont été écrits en arabe. Donc, voilà. Mais ça, c'est la lecture que je fais, moi, comme vous pouvez la faire vous en tant que lecteur. Sinon, je n'ai pas cherché, je ne lui ai pas demandé de faire telle calligraphie en fonction de tel poème. C'est lui qui a choisi ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que ça arrive là, parce que je suis un peu enrhumé? Oui, ok. Justement, par rapport au poème écrit en arabe, nous, on s'était posé la question de savoir si c'était volontaire d'avoir inclus des rimes en arabe, mais pas dans les poèmes français. Est-ce que c'était volontaire? Qu'est-ce que ça pourrait révéler Alors, cela part d'abord de ma conception de la traduction de la poésie. Je ne partage pas l'avis de beaucoup de traducteurs de la poésie selon lequel il faudrait aussi chercher à traduire, entre guillemets, la rime. Pour la simple raison est que quand on cherche la rime, on peut exercer une certaine violence sur le texte. Quand il faut absolument traduire, tout en essayant de trouver une rime, on est amené parfois à s'éloigner un peu du texte, de texte de départ. Donc, quand j'ai traduit ça, effectivement, je n'ai pas tenu compte de la rime, d'autant que je ne pratique pas régulièrement la rime de mes poèmes. La rime dans ma poésie, elle est à peine suggérée. Elle n'est pas régulière, on ne trouverait pas de rime à chaque ligne. Je laisse la rime venir toute seule quand il le faut. Je ne sais pas quand, mais quand ça arrive, je la saisis. Mais je n'aime pas, ça je l'ai exercé au début, je n'aime pas faire un poème en fonction d'une rime. J'ai exercé ça au début, et à un certain moment, c'est devenu monotone. D'autant plus que, si vous avez une idée sur la poésie arabe, On est resté pendant, enfin, jusqu'aux années 40, la poésie arabe est restée prisonnière de la rime, et non seulement de la rime, mais de ce qu'on appelle le monorime. C'est-à-dire que tout le poème devait être fait selon deux hémistiches, un, le deuxième sur la même ligne, et donc le deuxième hémistiche, tout le poème, toute cette colonne à gauche, finit par la même rime. Ce qui fait, enfin ça c'est la tradition poétique arabe depuis la période pré-islamique. Donc elle avait une certaine autorité, elle exerçait une autorité durant plusieurs siècles. Ce qui fait qu'il a fallu attendre l'ouverture des poètes arabes dans les années 1940 sur la poésie occidentale, notamment anglaise et américaine, pour qu'on commence à se libérer un peu et à libérer le poème de ce qu'on appelle le monorime. Et aussi de la métrique, parce que toute la poésie arabe classique est basée aussi en dehors de la rime, elle est basée sur un maître. Il existe en arabe, dans la poésie arabe, dans la théorie de la poésie arabe, qui date du 9e siècle, cette théorie, il existe 16 maîtres. C'est dans ces 16 maîtres que les poètes arabes composaient leurs poèmes. Sont arrivés dans les années 1940, 42, deux jeunes poètes irakiens qui, dont une poétesse faisait ses études à l'université de Bagdad en littérature anglaise, ce qui lui a permis de chercher d'autres voies. Et elle a appelé, non seulement elle a exercé, mais en tant que poète, elle a appelé les poètes arabes à sortir du monorime. Et c'est ainsi que, depuis cette période-là, les poètes arabes n'ont pas cessé d'expérimenter d'autres voies. Donc, on a toujours des poètes qui sont sur cette ligne-là, du poème monorime. Mais on les considère comme étant poètes traditionnels, conservateurs. Quoique on peut faire un poème monorime, traditionnel, mais sans être conservateur dans les idées. C'est possible. Mais quand je dis conservateur, c'est par rapport au choix esthétique. La poésie arabe, maintenant, elle comporte tout ça. Les rimes, alors le monorime, le poème avec des rimes alternées, et puis des poèmes où il n'y a pas de rime du tout. Par contre, qui dit absence de rime, ne dit pas absence de rythme. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas de rime, on essaye de trouver par une certaine consonance au niveau des choix des mots et de la syntaxe, on essaye d'attribuer ou de procurer au poème un certain rythme interne. Donc voilà, donc, ce n'est pas non seulement que je n'aime pas traduire les rimes, mais mes poèmes à l'origine, notamment dans ce recueil-là, ne comportent pas beaucoup de rimes. Voilà aussi la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à traduire la rime. Donc en fait, vous traduisez comme vous écrivez au fil du vent. Alors c'est une expérience, je ne sais pas si je vais la refaire un jour, mais c'est une expérience, j'avoue que j'ai eu du mal parfois. Alors, c'est tout un problème de s'auto-traduire. C'est pas facile. Il y a des poèmes auxquels je n'ai pas osé toucher. Parce que, vous savez, le poème se définit par une certaine ambiguïté sémantique. Henri Michoni, qui est un des grands traducteurs et poètes, qui a beaucoup travaillé sur la rime également, dit qu'en poésie, le sens déborde. Pas facile de mettre la main sur le sens pour le transmettre dans une autre langue. Et quand on sait que traduire, en fait, quand on traduit, la traduction c'est quoi? On traduit le sens, on ne traduit pas les mots. Alors dans un texte de prose, il est facile de faire la traduction d'un texte de presse, d'actualité, voire même un texte de prose littéraire, comme dans une nouvelle ou dans un roman. Mais pour la poésie, c'est autre chose. Parce que chercher à traduire le sens, on risque de, d'enlever au poème ce qui fait de lui un poète, c'est-à-dire son côté esthétique, toute sa littérarité, si vous cherchez le sens. Je vous donne l'exemple de... Alors, il y a deux exemples qui sont... Il y en a un poétique, l'autre prosaïque, mais poétique également, pour comprendre ces phénomènes-là. Mais je reste dans la littérature, dans la culture arabe classique. Prenons les poèmes pré-islamiques, ou anti-islamiques, les poèmes. Vous savez, les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, les Arabes, leur culture orale, leur littérature par excellence, c'était la poésie. Donc c'était des gens qui excellaient dans la production poétique, à tel point qu'ils considéraient plus tard, ils ont considéré plus tard que puisqu'ils n'ont pas de... Puisqu'ils sont les maîtres dans l'art de la poésie, il est inutile qu'ils traduisent la poésie des autres. Donc c'est pour ça qu'on a eu la traduction de la philosophie grecque, on a eu la traduction des contes qui venaient d'Inde, de l'Inde par exemple, mais on n'a pas cherché à traduire la poésie parce que les Arabes pensaient qu'ils étaient, cette période-là, les maîtres de la poésie. Donc, lorsque la poésie dite anti-islamique a été traduite dans des autres langues, jusque-là, on a encore des traductions qui se font de cette poésie-là. On n'a jamais la même chose. Donc vous avez, en général, vous avez deux tendances. La première qui cherche à traduire le sens. Donc finalement, on a des lignes avec le sens du poème. Donc, en les lisant en français, on n'a pas l'impression qu'on est en train de lire de la poésie, loin de là. Et une autre tendance cherche quand même à garder un peu les images, parce que c'est ça qui fait la force d'un poème. Et il y a une troisième tendance dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle qui cherche aussi à traduire la rime, à trouver une rime dans la langue d'arrivée, dans le français par exemple. Et c'est pour ça que, la traduction de la poésie pose problème dans le sens où si l'on cherche à traduire le sens, on peut traduire, enfin, d'abord, il faudrait saisir ce sens-là, savoir ce que le poète veut dire par là, pour pouvoir le transmettre dans une autre langue. Donc ça, c'est un problème. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des poèmes qui me posaient déjà, moi, problème au niveau du sens. Je me disais, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Si je l'interprète, alors là, on va rentrer dans la paraphrase explicative du vers, entre guillemets, ou de la ligne poétique, puisqu'on ne parle plus de vers maintenant. Faire ce choix-là, c'est un risque. Donc j'ai choisi les poèmes qui se prêtent à lire, parfois, comme vous l'avez peut-être remarqué, comme des nouvelles. Des poèmes qui privilégient le récit. Donc c'est cela que j'ai choisi surtout. Parce que je me dis, au moins, je vais rester fidèle à ce qu'il y a dans le texte en arabe. À peu près ou... Oui, non, c'est okay. Parfait. Merci. Du coup, moi, j'aurais une question qui traiterait justement des images, non plus du rythme, mais des images. Et cette question vient d'un constat, c'est que le vocabulaire qu'on emploie aujourd'hui, notre vocabulaire évolue. Et se modernise. Et du coup, apparaissent certaines images qui apparaissent des fois dans la poésie, qui semblent un peu plus concrètes ou je dirais banales et issues de notre quotidien. Je pense à des marques comme Google, des téléphones portables, tout ce qui est associé au numérique, qui nous apparaît, je dirais, là tout de suite, un peu moins poétique que d'autres. Et du coup, j'aurais deux questions. Une pour le poète, c'est-à-dire quel est l'intérêt poétique d'utiliser ce genre d'image? Et celle pour le traducteur, est-ce qu'il y a toujours une marge de créativité dans la traduction de celle-ci? Alors, pour ce qui est de choix de ce langage, c'est à dessein que je le fais. C'est, en fait, j'ai une façon d'écrire qui se situe, mes textes se situent en fait entre une certaine tradition poétique arabe qui est basée sur le rythme. Donc, je n'ai pas coupé complètement avec l'héritage de la poésie arabe classique et moderne également, puisque les deux poètes irakiens dont je parlais tout à l'heure, ils ont appelé à une poésie dite libre, c'est comme ça, ils disaient « shar hor », la poésie libre, parce qu'ils pensaient qu'il fallait la libérer des règles de la métrique arabe classique, mais eux-mêmes, ils ne se sont pas complètement libérés de cela, puisqu'ils ont gardé certains maîtres sur lesquels on compose jusqu'à présent. Ça, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, sa poésie qui est une poésie avec un langage presque du quotidien et tout cela, mais en arabe, parce que vous lisez ces poèmes, tous ces poèmes sont composés sur des maîtres qui ont été élaborés il y a longtemps. Donc, ça aussi, c'est une façon de transgresser, d'aller chercher autre chose, sans se couper complètement d'une certaine tradition, tant qu'elle est capable de nous offrir quelque chose en termes d'écriture. Et donc, vous me posez la question sur ce langage-là. Ce langage-là, je le fais volontairement, je le cherche volontairement, parce que tout en restant sur cette ligne du rythme d'un certain maître que j'emploie, d'autres, j'essaye d'inscrire aussi le poème dans ce qu'on appelle le poème en prose, c'est-à-dire un poème qui se nourrit de la banalité du quotidien. Et beaucoup de choses que nous observons ou sans observer, que nous regardons tous les jours, qui ne nous disent peut-être rien, mais en même temps, ils nous disent beaucoup de choses. Donc, je saisis ces objets-là, ces moments qui semblent complètement banals, pour les intégrer dans le texte. Donc, ça fait partie, en fait, c'est un choix. Alors, ça, c'est la première. La deuxième question, rappelez-moi. Juste sur la première. Est-ce que ça ne s'oppose pas, justement, à cette idée que la poésie devrait venir de l'intérieur ? Elle vient toujours de l'intérieur. À la recherche de ces images, on les saisit à l'extérieur. Elle vient toujours de l'intérieur, mais on vit dans un monde où il y a cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il se peut que ce soit quelque chose d'objectif, un objet de l'extérieur qui vous touche, qui crée une certaine émotion chez vous, et à partir de ce moment-là, vous lancez dans l'écriture d'un poème. Et donc, vous ne pouvez pas complètement vous détacher. Au contraire, sinon, on n'écrit pas du tout, hein, que ce soit de la poésie ou autre chose. Donc, il faut que ça vienne de l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que cet intérieur-là soit en lien avec l'extérieur. Et donc, l'extérieur nous offre une infinité de choses dont on peut se servir pour écrire un poème. Merci. Et du coup, la deuxième partie, c'était sur la traduction. Donc, quelle est la marge de créativité et aussi peut-être l'intérêt de traduire ces... Prenons un exemple, par exemple Google. Quel pourrait être l'intérêt de traduire Google dans une autre langue et comment on pourrait faire ? Est-ce qu'il faudrait trouver un équivalent qui n'est pas le même ? Ou est-ce qu'on le garderait tel quel, mais sachant qu'il n'a pas la même valeur culturelle ? Alors, moi, le mot Google, on me pose plus problème dans le texte arabe que dans le texte français. Parce que dans le texte français, on peut écrire Google, on peut prononcer sans problème. Quand vous le faites en arabe, vous transcrivez d'une manière qui ne donne pas à quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas lire Google. Il risque de lire Google. C'est comme ça qu'il... Google. Et puis, il n'y a pas le « gay » en arabe. Pour avoir le son « gay » en arabe littéral, hein, pas en arabe égyptien. L'arabe égyptien est lent. Mais en arabe littéral, l'arabe donc dont je me sers pour écrire, on n'a pas le son « gay ». Mais quand je lis le poème sur Google, ben je prononce « Google ». De la même manière que j'ai un poème qui n'est pas là sur sur le phénomène Facebook, je dis Facebook, j'écris Facebook, mais enfin, maintenant tout le monde dans le monde arabe sait ce que c'est Facebook, donc il prononce Facebook. Mais donc voilà, ça pose problème plutôt dans le texte arabe que dans le texte en français. Je ne sais pas s'il y a là dans votre question un autre élément, peut-être. Mais ces éléments-là, ces termes-là, moi je les emploie aussi parce qu'ils sont chargés d'eux-mêmes. Et ça permet d'arriver à ce qui fait aussi la force d'un poème, c'est la concision, c'est ça. Hein. C'est-à-dire exprimer beaucoup de choses en très peu de mots, suggérer. En poésie, il vaut mieux suggérer au lieu de dire la chose. Il faut respecter celui qui vous lit, parce que le lecteur n'est pas idiot. Vous faites de lui un idiot si vous lui donnez tout. Alors que ce qui fait le plaisir de la lecture, et vous avez certainement vous-même fait l'expérience de ça, en lisant un roman, une nouvelle, un texte littéraire en général, un poème, vous êtes presque submergé de joie de comprendre quelque chose qui ne vous est pas donné d'emblée, qui vous a été juste suggéré. Et c'est ça qui vous donne le plaisir de continuer à lire. Et il suffit de dire Google pour que ça déclenche en nous beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, les rapports entre les humains, en même temps la solitude, parce que tout ça peut venir en une seule fois, dans un seul mot. C'est pour ça que ces mots sont importants. Twitter, j'ai joué aussi sur des noms de marques, c'est pas dans ces poèmes, des noms de marques, de la vaisselle, de la machine à laver, des choses comme ça. Et j'essaye d'en faire quelque chose, autre que, tout en restant en lien avec ce que la machine, enfin, c'est ça le plus important, c'est une expérience sur laquelle je travaille depuis un moment, montrer un peu ce que la machine fait de l'homme. Donc je puise beaucoup dans le langage moderne, technologique, et vous avez peut-être remarqué dans ce recueil quelques poèmes qui parlent du train, du voyage par exemple, et tout ce que les petites choses que l'on voit dans le train peuvent avoir un sens énorme quand même dans notre vie. Merci. Il y a d'autres questions, allez-y. Hein. On est en train de... Moi, je voulais rebondir sur la première question de Kevin. Vous avez parlé de poésie de la transgression, entre guillemets. Mm. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur ou si c'était inconscient, en fait, cette forme de poésie un peu transgressive par sa modernité. Oui, elle a un sens pour moi. Elle a un sens dans la mesure où, d'abord, quand j'ai commencé à écrire, j'étais au collège. Et au collège, qu'est-ce que j'avais comme choix? J'en avais pas beaucoup de choses, si ce n'est le modèle, c'était ce texte monorime qu'on étudiait en littérature arabe classique. On commençait par là. Et mes idoles, c'était plutôt les grands poètes arabes, comme Al-Mutanabbi et autres. Ou même de la poésie arabe anti-islamique. Et donc, c'était toujours ce poème monorime, monométrique. Donc, je l'ai exercé en pensant que c'était ça, la poésie, en fait. Et plus j'avançais, plus je découvrais qu'il y avait d'autres modèles. Et à un certain moment, vous savez, on se lasse quand on fait toujours la même chose. Alors, je ne sais pas, moi, en tout cas, je me lasse très rapidement. Je vois autour de moi beaucoup de poètes qui écrivent sur un certain modèle depuis 30, 40 ans. Je me pose la question parfois, comment peuvent-ils encore faire pour rester toujours dans le même schéma? Ils ont leur secret peut-être, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas allé au plus profond des choses pour comprendre que peut-être tout en regardant ce modèle-là, ils inventent autre chose. Mais ma première expérience, donc, c'était dans le monorhyme. Après, quand j'ai découvert la poésie de Mahmoud Darwish, là aussi j'étais en troisième, je crois que c'était quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé dans la conception que j'avais de la poésie. Mahmoud Darwish, c'était le poète arabe, le seul qui pouvait remplir des stades. Jusqu'à sa mort, c'était le seul qui pouvait faire venir tout le monde, pas dans une salle. Les salles, ça ne suffisait pas, toujours archi-plein, comme on dit. Et on était tous sous l'influence de ce genre de poésie qu'on appelait la poésie arabe moderne, qui était la suite de la poésie à laquelle on appelait ces deux grands poètes irakiens, deux jeunes poètes irakiens des années 40. Elle avait continué, elle était exercée aussi en Syrie, au Liban, au Maghreb. Et je l'ai exercée aussi, cette poésie-là, dite libre. Je continue à le faire, mais j'ai découvert aussi le poème en prose, et qui m'a ouvert d'autres horizons, qui m'a amené à réfléchir sur le poème comme, ou la poésie comme étant quelque chose que l'on ne peut pas définir et enfermer et dire c'est ça la poésie. Ce qui fait le sens de la poésie, c'est qu'elle reste ouverte à toute expérimentation. Aujourd'hui, dans le monde arabe, vous avez les jeunes, la plupart, commencent directement à faire de la poésie par le poème en prose. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas, parce que lorsqu'on n'a pas, on n'a pas regardé un peu ce qui se faisait avant, on n'a pas baigné un peu dans toutes ces expériences-là, je ne suis pas sûr que l'on puisse écrire un poème en prose. Et dans la poésie française, vous aviez un peu la même évolution. Vous pouvez vous en parler plus que moi et mieux que moi. L'évolution s'est faite dans ce sens-là. Il y a autre chose qui, à ma façon, détermine un poème, ce n'est pas que le langage, ce n'est pas que les mots. Vous pouvez choisir, mettre autour de vous tous les mots du dictionnaire, les plus jolis, vous trouvez, mais ça ne fait pas un poème. Un poème se fait par des mots, par une syntaxe, par le choix aussi, quand on dit des mots, mais par une certaine culture. C'est important, la culture dans un poème, des références culturelles. On parlait tout à l'heure de ces objets de communication, d'Internet, des choses comme ça. C'est de la culture. Donc, il faudrait puiser un peu, et dans le passé, et dans le présent. C'est ça, à mon avis, qui fait la force d'un poème. On peut peut-être passer aux lectures ? Alors, on peut peut-être suivre le même ordre. Oui. Du coup, on voulait savoir si vous pouviez lire le poème Régime poétique en français et en arabe. Régime poétique. Je l'ai là. Là aussi, ça me renvoie à ce que je disais un peu tout à l'heure, oui. Je crois. Alors, je vous lis en arabe et en français, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous le lis dans les deux langues, ou quelqu'un le lirait en français, peut-être? Comme vous voulez. Qui a travaillé sur ce poème? Ben, vous voulez nous le lire en français? Oui. D'accord. Bon, je vous le lis en arabe et vous lisez en français. Nidamun sha'ri. Hal haqqan كلما قرأنا شعرا زدنا وزنا في الأنفاس وكلما كتبنا شعرا نقصنا عمرا الرغبة أبصرت قوارب صيد آتية قلت لها إن شئت نزلنا نحو البحر. الصيادون هنا كرماء، وليس بهذه البلدة مرسى لمزاد علني. نأكل أسماكا وننام على شط الرغبة. قد تحرقنا شمس أغسطس، قد نشتاق إلى رنات هواتفنا المحمولة والتلفاز وموقع جوجل، ولا نقرأ أبراجا هذا اليوم. وماذا بعد؟ نسافر نحو المطلق، نمشي صوب الماء ونعدو مثل صغيرين، ونرسم في الرمل علامات أو ننشد أشعارا لم نسمعها قبل، ونبكي أو نضحك. ما رأيك؟ قالت طبعا طبعا، لكني أرغب في أشياء هذا اليوم بمتجر ماركس أند سبنسر. غزالها والنوار. دانداني دانداني ديني، تلك أنت وتلك آخر قطرة في الأغاني التي بالحنين تمدني وتردني من منفايا، ملقا على الأشواق مثلك، سالكا بعض الطريق وبعضه ألغيه. هل وهران أم بركان أم أحفير بينهما تنصب الإيقاع في بربيس ليل السبت، كي تطويه تحت ذراعها سرا بالنهار وتشتهيه. أم شذا العرعار يحملني إليك، وحمرة الحناء في البندير قبل اليدين، وصرخة القصب الحزين ورجع صدى من بعيد، كأن به صبايا وبعض متاع جدي. كم بكيت على الرصيف، رصيف مقهى يدس به الرجال أنينهم في الأغنيات ورقصة الكتفين قبل البكاء على الرصيف مثل آخر الليل. كم شاهدت من قدم تثير النقع حولك، بعضها نخب هواء وبعضها ترمي النعال وتكتفي بشقوقها حتى يستقيم الليل، والميزان والذكرى الأليمة والبلاد وما تبقى من راتب الشهر الهزيل. هل أطربت ما يكفي لينسى الوافدون إلى الحياة نصيبهم من الألم الشديد، وينسى الوافدون إلى المنافي قيئهم في العباب، وآخرون عناق الأحبة في المطار وفي الحقائب خلسة، بعض ما يلغي الحدود توابل وتمائم الجدات، كعك الأمهات الزعتر التبغ والأعشاب. في غرفة كادت تضيق بنفسها في باريس كان جدي قبل العشاء وبعده يضع الأسطوانة في الجهاز، ويقتفي أثر الأحبة في المواويل الحزينة صاعدا بنشيدك البدوي سيرة عمره. ثمة دائما طلل أو زغاريد أو وجع تحت العمامة مما يقيس به المسافة نحو التقاعد. في الغرفة نفسها تقريبا لا أزال بدوري أقتفي أثر الأحبة في الغناء الذي يسع الأسطوانة والشريط وقرص آخر صيحة، وأرى المدينة كلها أرضا تضيق بما ملكت من الخطى وبلاغة الأنفاس في آخر العمر الطويل، وتلغي الزغاريد من أعيادها. الآن شيء ما يهب على المدينة سيدا، ربما عبق النوار ذاك الذي تركت وحيدا في أكف الذاهبين إلى المسرة إثرك، ربما ذاك الغزال غزالك وحده عبر المدينة بغتة واختفى ببياضه، أو ربما بعض من صداك يردد في الفراغ الذي تتركين أنا وغزالي في الجبال نقيم حفل الوداع لوحدنا، لا شيء يخفي العلامة بيننا في الغياب. عشقتكم ورويت من شغفي ومن شرف الأحياسيس، أطربت ما يكفي فقط كي أكون وكي لا يطول الليل أكثر. غوز دو غازيل. دندنا داني ديني. Je reconnais ta voix. Je reconnais la dernière note dans les chants qui me donnent de la nostalgie et m'arrachent à mon exil, jeté sur les passions comme toi, poursuivant une partie de mon chemin et abandonnant une autre. Est-ce Oran, Berkan ou Ahfir à mi-chemin entre les deux qui irrigent le rythme à Barbès les samedis soirs, pour le cacher sous le bras le jour et le désirer? Ou est-ce le parfum de Genièvre, le rouge du henné dont le bendir, bien avant les mains, le triste cri de la flûte comme un écho lointain de mon enfance et quelques vieux effets personnels de mon grand-père qui m'emporte vers toi? Oh, combien j'ai pleuré sur le trottoir. Le trottoir d'un café où les hommes dissimulaient leurs gémissements dans les chants et la danse des épaules avant de pleurer sur le trottoir comme moi tard dans la nuit. Oh, combien j'ai vu de pieds soulever la poussière autour de toi. Certains n'étaient que pure illusion et d'autres se déchaussaient et se contentaient de leurs fissures pour que s'équilibre la nuit, le rythme, les souvenirs douloureux, le payer et le reste du salaire misérable. As-tu suffisamment chanté pour que les vivants oublient leur part de douleur intense et les exilés leurs vomissements dans les vagues déchaînées et d'autres les embrassades des leurs dans les aéroports avec des valises cachant quelques affaires qui annulent les frontières, hippies, amulettes de grand-mère, gâteaux de la maman, du thym, du tabac et des plantes sèches. À Paris, dans une chambre qui ne se suffisait pas elle-même, mon père mettait dans le gramophone tous les soirs, avant et après la prière, un disque pour se remémorer les souvenirs des siens dans les tristes refrains. Il lisait dans ton chant bédouin le récit de sa vie. Il trouvait toujours une trace, des you-you, ou un mal de tête sous son turban, de quoi mesurer la distance qui le séparait de sa retraite. Dans la même chambre, presque, je remémore à mon tour les souvenirs des miens par le biais de tes chants où trouvent largement leur place le disque, la cassette et le CD de ton dernier cri. Je vois la ville entière qui, trop étroite pour contenir tes pas, et l'éloquence de tes souffles à son âge finissant, annule de ses fêtes les you-you. À cet instant, quelque chose souffle majestueusement sur notre ville. C'est peut-être le parfum de la rose que tu as laissé seul dans les mains de ceux qui se rendaient à ta soirée. C'est peut-être ton bien-aimé qui vient soudainement de passer et disparaître seul, et tout de blanc vêtu. Ou c'est peut-être un écho de ta voix chantant dans le vide que tu laisses. Mon bien-aimé et moi fêtons seuls dans la montagne nos adieux. Rien entre vous et moi ne vient effacer le signe qui nous unit dans l'absence. Je vous ai aimé. Et bu à ma soif de la passion et de sentiments difficiles. J'ai chanté seulement ce qu'il fallait pour exister et pour que la nuit ne dure pas plus longtemps.